Jason d'allumeur feu. Sur le mur de sa viole, y'a les posters de pion qui lui colle encore la colle. Et pour prémir les roustons, malin qu'il m'attend, il la trouve pour seul décor. Quel délicieux maton et un splendide mirador. Sur le coup il a tatoué une hirondelle de la paix. Qu'elle s'envole, c'est mal barré. Te prends la chaîne pour l'entraver. Prête en Christ à vue. Y'a toute sa porte pour te raconter qu'il a une vie pour regretter. Le roi du Mawashi, prête en Christ à vue. Y'a toute sa porte pour te raconter qu'il a une vie pour regretter. Sur le bras il a entré juste histoire pour l'oublier. Le si doux prénom de cette chaîne de liberté. Sur le trou il a tatoué l'hirondelle de la paix. Qu'elle s'envole, c'est mal barré. Prends la chaîne pour l'entraver. Perpète.